Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Deuxième partie, livre 3. Enregistré par Christiane Jehan. Note. Ce livre a été écrit à Chantilly au mois de novembre 1838. Fin de note. Mort du duc d'Enghien. Année de ma vie, 1804. Le général Hulin. Le duc de Rovigo. Monsieur de Talleyrand. Part de chacun. Bonaparte, son sophisme et ses remords. Ce qu'il faut conclure de tout ce récit. Inimitiés enfantés par la mort du duc d'Enghien. Un article du Mercure. Changement dans la vie de Bonaparte. Abandon de Chantilly. Comme aux oiseaux voyageurs, il me prend au mois d'octobre une inquiétude qui m'obligerait à changer de climat si j'avais encore la puissance des ailes et la légèreté des heures. Les nuages qui volent à travers le ciel me donnent envie de fuir. Afin de tromper cet instinct, je suis accouru à Chantilly. J'ai erré sur la pelouse où de vieux gardes se traînent à l'orée des bois. Quelques corneilles, volant devant moi par-dessus des genêts, des taillis, des clairières, m'ont conduit aux étangs de Comelles. La mort a soufflé sur les amis qui m'accompagnèrent jadis au château de la Reine Blanche. Les sites de ces solitudes n'ont été qu'un horizon triste, entr'ouvert un moment du côté de mon passé. Au jour de René, j'aurais trouvé des mystères de la vie dans le ruisseau de la Thève. Il dérobe sa course parmi des prêles et des mousses, des roseaux le voilent. Il meurt dans ces étangs qu'alimente sa jeunesse, sans cesse expirante, sans cesse renouvelée. Ces ondes me charmaient quand je portais en moi le désert, avec les fantômes qui me souriaient, malgré leur mélancolie, et que je parais de fleurs. Revenant le long des haies à peine tracées, la pluie m'a surpris. Je me suis réfugié sous un hêtre. Ses dernières feuilles tombaient, comme mes années. Sa cime se dépouillait, comme ma tête. Il était marqué au tronc d'un cercle rouge, pour être abattu, comme moi. Rentré à mon auberge avec une moisson de plantes d'automne et dans des dispositions peu propres à la joie, je vous raconterai la mort de monsieur le duc d'Enghien à la vue des ruines de Chantilly. Cette mort, dans le premier moment, glaça d'effroi tous les cœurs. On appréhenda le revenir du règne de Robespierre. Paris crut revoir un de ces jours qu'on ne voit qu'une fois, le jour de l'exécution de Louis XVI. Les serviteurs, les amis, les parents de Bonaparte était consterné. À l'étranger, si le langage diplomatique étouffa subitement la sensation populaire, elle n'en remua pas moins les entrailles de la foule. Dans la famille exilée des Bourbons, le coup pénétra d'outre en outre. Louis XVIII renvoya au roi d'Espagne l'ordre de la Toison d'or dont Bonaparte venait d'être décoré. Le renvoi était accompagné de cette lettre qui fait honneur à l'âme royale. Monsieur et cher cousin, il ne peut y avoir rien de commun entre moi et le grand criminel que l'audace et la fortune ont placé sur un trône qu'il a eu la barbarie de souiller du sang pur d'un Bourbon, le duc d'Enghien. La religion peut m'engager à pardonner à un assassin, mais le tyran de mon peuple doit toujours être mon ennemi. La Providence, par des motifs inexplicables, peut me condamner à finir mes jours en exil. Mais jamais ni mes contemporains ni la postérité ne pourront dire que dans le temps de l'adversité, je me sois montré indigne d'occuper jusqu'au dernier soupir le trône de mes ancêtres. Il ne faut point oublier un autre nom qui s'associe au nom du duc d'Enghien. Gustave Adolphe, le détrôné et le banni, fut le seul des rois alors régnants qui osa élever la voix pour sauver le jeune prince français. Note. Gustave IV, roi de Suède. Né en 1778, il monta sur le trône après la mort de son père, Gustave III, 1792. En 1809, il se vit contraint d'abdiquer, et le duc de Sudermanie, son oncle, fut proclamé roi sous le nom de Charles XIII. Gustave vécut alors à l'étranger, sous le nom de comte de Holstein-Gottorp et de colonel Gustafsson, résidant alternativement en Allemagne, dans les Pays-Bas et en Suisse. Il mourut à Saint-Gall en 1837. Une des odes de Victor Hugo lui est consacrée. Il avait un ami, dans ses fraîches années, comme lui tout empreint du sceau des destinées, c'est ce jeune d'Enghien qui fut assassiné. Gustave, à ce forfait, se jeta sur ses armes, mais quand il vit l'Europe, insensible à ses larmes, calme et stoïque, il dit « Pourquoi donc suis-je né ?» Fin de note. il fit partir de Karlsruhe un aide-de-camp, porteur d'une lettre à Bonaparte. La lettre arriva trop tard, le dernier des Condés n'existait plus. Gustave Adolphe renvoya au roi de Prusse le cordon de l'aigle noir, comme Louis XVIII avait renvoyé la toison d'or au roi d'Espagne. Gustave déclarait à l'héritier du grand Frédéric que, d'après les lois de la chevalerie, il ne pouvait pas consentir à être le frère d'armes de l'assassin du duc d'Enghien. Bonaparte avait l'aigle noir. Il y a je ne sais quelle dérision amère dans ces souvenirs presque insensés de chevalerie, éteints partout, excepté au cœur d'un roi malheureux pour un ami assassiné. Nobles sympathies de l'infortune, qui vivent à l'écart sans être comprises dans un monde ignoré des hommes. Hélas, nous avions passé à travers trop de despotismes différents, nos caractères, domptés par une suite de maux et d'oppressions, n'avaient plus assez d'énergie pour qu'à propos de la mort du jeune Condé, notre douleur porta longtemps le crêpe. Peu à peu les larmes se tarirent. La peur déborda en félicitations sur les dangers auxquels le premier consul venait d'échapper. Elle pleurait de reconnaissance d'avoir été sauvée par une si sainte immolation. Néron, sous la dictée de Sénèque, écrivit au Sénat une lettre apologétique du meurtre d'Agrippine. Les sénateurs transportés comblèrent de bénédictions le fils magnanime qui n'avait pas craint de s'arracher le cœur par un parricide tant salutaire. La société retourna vite à ses plaisirs. Elle avait frayeur de son deuil. Après la terreur, les victimes épargnées dansaient, s'efforçaient de paraître heureuses, et craignant d'être soupçonnées coupables de mémoire, elles avaient la même gaieté qu'en allant à l'échafaud. Ce ne fut pas de but en blanc et sans précaution que l'on arrêta le duc d'Enghien. Bonaparte s'était fait rendre compte du nombre des Bourbons en Europe. Dans un conseil où furent appelés messieurs de Talleyrand et Fouché, on reconnut que le duc d'Angoulême était à Varsovie, avec Louis XVIII, le comte d'Artois et le duc de Berry à Londres, avec les princes de Condé et de Bourbon. Le plus jeune des Condés était à Ettenheim, dans le duché de Bade. Il se trouva que messieurs Taylor et Drake, agents anglais, avaient noué des intrigues de ce côté. Le duc de Bourbon, le 16 juin 1803, mit en garde son petit-fils contre une arrestation possible par un billet à lui adressé de Londres et que l'on conserve. Note. Ce billet du prince de Condé à son petit-fils existe en effet. « Mon cher enfant, écrivait le prince, on assure ici depuis plus de 6 mois que vous avez été faire un voyage à Paris. D'autres disent que vous n'avez été qu'à Strasbourg. Il me semble qu'à présent, vous pourriez nous confier le passé, et si la chose est vraie, ce que vous avez observé dans vos voyages. Monsieur Thiers se prévaut de ces lignes pour donner, comme à peu prouvé, les voyages du duc d'Enghien à Strasbourg. Et tout à l'heure, il ne manquera pas d'en tirer un argument en faveur de Bonaparte. Il se garde bien de faire connaître à ses lecteurs la réponse du duc d'Enghien, qu'il avait pourtant sous les yeux, en même temps que le billet du prince de Condé. Réponse qui ne laisse rien subsister des insinuations de l'habile historien, j'allais dire de l'habile avocat. Voici le texte de cette réponse, datée d'Ettenheim, le 18 juillet 1803. « Assurément, mon cher papa, il faut me connaître bien peu pour avoir pu dire ou chercher à faire croire que j'avais mis le pied sur le territoire républicain, autrement qu'avec le rang et la place où le hasard m'a fait naître. » Je suis trop fier pour courber bassement la tête, et le premier consul pourra peut-être venir à bout de me détruire, mais il ne me fera pas m'humilier. On peut prendre l'incognito pour voyager dans les glaciers de la Suisse, comme je l'ai fait l'an passé, n'ayant rien de mieux à faire. Mais pour la France, quand j'en ferai le voyage, je n'aurai pas besoin de m'y cacher. Je puis donc vous donner ma parole d'honneur la plus sacrée, que pareille idée ne m'est jamais entrée et ne m'entrera jamais dans la tête. Des méchants ont pu désirer, en vous racontant ces absurdités, me donner un tort de plus à vos yeux. Je suis accoutumé à de pareils services que l'on s'est toujours empressé de me rendre, et je suis heureux qu'ils soient enfin réduits à employer des calomnies aussi absurdes. Je vous embrasse, cher papa, et vous prie de ne jamais douter de mon profond respect comme de ma tendresse. » Fin de note. Bonaparte appela auprès de lui les deux consuls, ses collègues. Il fit d'abord d'amers reproches à M. Réal de l'avoir laissé ignorer ce qu'on projetait contre lui. Il écouta patiemment les objections. Ce fut Cambacérès qui s'exprima avec le plus de vigueur. Bonaparte l'en remercia et passa outre. C'est ce que j'ai vu dans les mémoires de Cambacérès, qu'un de ses neveux, M. de Cambacérès, pair de France, m'a permis de consulter, avec une obligeance dont je conserve un souvenir reconnaissant. La bombe lancée ne revient pas. Elle va où le génie l'envoie, et tombe. Pour exécuter les ordres de Bonaparte, il fallait violer le territoire de l'Allemagne. Et le territoire fut immédiatement violé. Le duc d'Enghien fut arrêté à Ettenheim. On ne trouva auprès de lui, au lieu du général Dumouriez, que le marquis de Thumery et quelques autres émigrés de peu de renom. Cela aurait dû avertir de la méprise. Le duc d'Enghien est conduit à Strasbourg. Le commencement de la catastrophe de Vincennes nous a été raconté par le prince même. Il a laissé un petit journal de route d'Ettenheim à Strasbourg. Le héros de la tragédie vient sur l'avant-scène prononcer ce prologue. Journal du duc d'Enghien. Le jeudi 15 mars. À Ettenheim, ma maison cernée, dit le prince, par un détachement de dragons et des piquets de gendarmerie. Total, 200 hommes environ, deux généraux, le colonel des dragons, le colonel Charlot de la gendarmerie de Strasbourg, à 5 heures du matin. À 5h30, les portes enfoncées, emmenées au moulin, près la Tuilerie, mes papiers enlevés, cachetés, conduits dans une charrette entre deux haies de fusiliers jusqu'au Rhin. Embarqués pour Isnao, débarquer et marcher à pied jusqu'à Pforzheim, déjeuner à l'auberge, monter en voiture avec le colonel Charlot, le maréchal des logis de la gendarmerie, un gendarme sur le siège et Grunstein. Arriver à Strasbourg chez le colonel Charlot vers 5h30, transféré une demi-heure après dans un fiacre à la citadelle. Dimanche 18. On vient m'enlever à 1h30 du matin. On ne me laisse que le temps de m'habiller. J'embrasse mes malheureux compagnons, mes gens. Je pars seul avec deux officiers de gendarmerie et deux gendarmes. Le colonel Charlot m'a annoncé que nous allons chez le général de division, qui a reçu des ordres de Paris. Au lieu de cela, je trouve une voiture avec 6 chevaux de poste sur la place de l'église. Le lieutenant Petermann y monte, à côté de moi, le maréchal des logis, Blittersdorf, sur le siège, deux gendarmes en dedans, l'autre en dehors. Ici, le naufragé, prêt à s'engloutir, interrompt son journal de bord. Arrivé vers les 4 heures du soir à l'une des barrières de la capitale, où vient aboutir la route de Strasbourg, la voiture, au lieu d'entrer dans Paris, suivit le boulevard extérieur et s'arrêta au château de Vincennes. Le prince, descendu de la voiture dans la cour intérieure, est conduit dans une chambre de la forteresse. On l'y enferme et il s'endort. À mesure que le prince approchait de Paris, Bonaparte affectait un calme qui n'était pas naturel. Le 18 mars, il partit pour la Malmaison. C'était le dimanche des Rameaux. Madame Bonaparte, qui, comme toute sa famille, était instruite de l'arrestation du prince, lui parla de cette arrestation. Bonaparte lui répondit « Tu n'entends rien à la politique ». Le colonel Savary était devenu un des habitués de Bonaparte. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu le premier consul pleurer à Marengo. Les hommes à pas doivent se défier de leurs larmes, qui les mettent sous le joug des hommes vulgaires. Les larmes sont une de ces faiblesses par lesquelles un témoin peut se rendre maître des résolutions d'un grand homme. On assure que le premier consul fit rédiger tous les ordres pour Vincennes. Il était dit, dans un de ses ordres, que si la condamnation prévue était une condamnation à mort, elle devait être exécutée sur le champ. Je crois à cette version, bien que je ne puisse l'attester, puisque ces ordres manquent. Madame de Rémusat, qui, dans la soirée du 20 mars, jouait aux échecs à la Malmaison avec le premier consul, l'entendit murmurer quelques vers sur la clémence d'Auguste. Elle crut que Bonaparte revenait à lui et que le prince était sauvé. Non, le destin avait prononcé son oracle. Lorsque Savary reparut à la Malmaison, Madame Bonaparte devina tout le malheur. Le premier consul s'était enfermé seul pendant plusieurs heures, et puis le vent souffla, et tout fut fini. Commission militaire nommée. Un ordre de Bonaparte du 29 Ventose, An 12, avait arrêté qu'une commission militaire, composée de 7 membres nommés par le général-gouverneur de Paris, Murat, se réunirait à Vincennes pour juger le ci-devant duc d'Enghien, prévenu d'avoir porté les armes contre la République, etc. En exécution de cet arrêté, le même jour, 29 Ventose, Joachim Murat nomma pour former la dite commission les 7 militaires, à savoir le général Hulin, commandant les grenadiers à pied de la garde des consuls, président, le colonel Guiton, commandant le 1er régiment des cuirassiers, le colonel Bazancourt, commandant le 4e régiment d'infanterie légère, le colonel Ravier, commandant le 18e régiment d'infanterie de ligne, le colonel Barrois, commandant le 96e régiment d'infanterie de ligne, le colonel Rab, commandant le 2e régiment de la garde municipale de Paris, le citoyen d'Autancourt, major de la gendarmerie d'élite, qui remplira les fonctions de capitaine rapporteur. Interrogatoire du capitaine rapporteur. Le capitaine d'Autancourt, le chef d'escadron Jacquin de la Légion d'élite, deux gendarmes à pied du même corps, Lerva, Tarsis, et le citoyen Noirot, lieutenant au même corps, se rendent à la chambre du duc d'Enghien. Il le réveille. Il n'avait plus que 4 heures à attendre avant de retourner à son sommeil. Le capitaine rapporteur, assisté de Molin, capitaine au 18e régiment, greffier, choisi par le dit rapporteur, interroge le prince. À lui demander ses noms, prénoms, âge et lieu de naissance. A répondu se nommer Louis-Antoine Henri de Bourbon, duc d'Enghien, né le 2 août 1772 à Chantilly. À lui demander où il a résidé depuis sa sortie de France. A répondu qu'après avoir suivi ses parents, le corps de Condé s'étant formé, il avait fait toute la guerre et qu'avant cela il avait fait la campagne de 1792 en Brabant avec le corps de Bourbon. À lui demander s'il n'était point passé en Angleterre et si cette puissance lui accorde toujours un traitement. A répondu n'y être jamais allé, que l'Angleterre lui accorde toujours un traitement et qu'il n'a que cela pour vivre. À lui demander quel grade il occupait dans l'armée de Condé. A répondu commandant de l'avant-garde en 1796, avant cette campagne comme volontaire au quartier général de son grand-père et toujours depuis 1796 comme commandant de l'avant-garde. À lui demander s'il connaissait le général Pichegru, s'il a eu des relations avec lui. A répondu « Je ne l'ai, je crois, jamais vu. Je n'ai point eu de relations avec lui. Je sais qu'il a désiré me voir. Je me loue de ne l'avoir point connu, d'après les vils moyens dont on dit qu'il a voulu se servir, s'ils sont vrais. À lui demander s'il connaît l'ex-général Dumouriez et s'il a des relations avec lui. A répondu « Pas davantage ». De quoi a été dressé le présent qui a été signé par le duc d'Enghien, le chef d'escadron Jacquin, le lieutenant Noirot, les deux gendarmes et le capitaine rapporteur. Avant de signer le présent procès-verbal, le duc d'Enghien a dit « Je fais avec instance la demande d'avoir une audience particulière du premier consul. Mon nom, mon rang, ma façon de penser et l'horreur de ma situation me font espérer qu'il ne refusera pas à ma demande. » Séance et jugement de la commission militaire. À 2 heures du matin, 21 mars, le duc d'Enghien fut amené dans la salle où siégeait la commission et répéta ce qu'il avait dit dans l'interrogatoire du capitaine rapporteur. Il persista dans sa déclaration. Il ajouta qu'il était prêt à faire la guerre et qu'il désirait avoir du service dans la nouvelle guerre de l'Angleterre contre la France. Lui ayant été demandé s'il avait quelque chose à présenter dans ses moyens de défense, a répondu n'avoir rien à dire de plus. Le président fait retirer l'accusé. Le conseil délibérant à huis clos, le président recueille les voix en commençant par le plus jeune en grade. Ensuite, ayant émis son opinion le dernier, l'unanimité des voix a déclaré le duc d'Enghien coupable et lui a appliqué l'article de la loi du « ainsi conçu » et en conséquence l'a condamné à la peine de mort. Ordonne que le présent jugement sera exécuté de suite à la diligence du capitaine rapporteur après en avoir donné lecture aux condamnés en présence des différents détachements des corps de la garnison. Fait, clos et jugé sans désemparer à Vincennes les jours, mois et ans que dessus et avons signé. La fosse étant faite, remplie et close, 10 ans d'oubli, de consentement général et de gloire inouïe s'assirent dessus. L'herbe poussa au bruit des salves qui annonçaient des victoires, aux illuminations qui éclairaient le sacre pontifical, le mariage de la fille des Césars ou la naissance du roi de Rome. Seulement de rares affligés rôdaient dans le bois, aventurant un regard furtif au bas du fossé, vers l'endroit lamentable, tandis que quelques prisonniers l'apercevaient du haut du donjon qui les renfermait. La restauration vint. La terre de la tombe fut remuée et avec elle les consciences. Chacun alors crut devoir s'expliquer. M. Dupin aîné publia sa discussion. M. Hulin, président de la commission militaire, parla. M. le duc de Rovigo entra dans la controverse en accusant M. de Talleyrand. Un tiers répondit pour Monsieur de Talleyrand, et Napoléon éleva sa grande voix sur le rocher de Sainte-Hélène. Il faut reproduire et étudier ces documents pour assigner à chacun la part qui lui revient et la place qu'il doit occuper dans ce drame. Il est nuit et nous sommes à Chantilly. Il était nuit quand le duc d'Enghien était à Vincennes. Lorsque M. Dupin publia sa brochure, il me l'envoya avec cette lettre. Paris, ce 10 novembre 1823. Monsieur le Vicomte, veuillez agréer un exemplaire de ma publication relative à l'assassinat du duc d'Enghien. Il y a longtemps qu'elle eût paru, si je n'avais voulu avant tout respecter la volonté de Mgr le duc de Bourbon, qui, ayant eu connaissance de mon travail, m'avait fait exprimer son désir que cette déplorable affaire ne fût point exhumée. Mais la Providence ayant permis que d'autres prissent l'initiative, il est devenu nécessaire de faire connaître la vérité. Et après m'être assuré qu'on ne persistait plus à me faire garder le silence, j'ai parlé avec franchise et sincérité. J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect, Monsieur le Vicomte, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur, Dupin. Monsieur Dupin, que je félicitais et remerciais, révèle dans sa lettre d'envoi un trait ignoré et touchant des nobles et miséricordieuses vertus du père de la victime. Monsieur Dupin commence ainsi sa brochure. La mort de l'infortuné duc d'Enghien est un des événements qui ont le plus affligé la nation française. Il a déshonoré le gouvernement consulaire. Un jeune prince, à la fleur de l'âge, surpris par trahison sur un sol étranger où il dormait en paix sous la protection du droit des gens, entraîné violemment vers la France, traduit devant de prétendus juges qui, en aucun cas, ne pouvaient être les siens, accusé de crimes imaginaires, privé du secours d'un défenseur, interrogé et condamné à huis clos, mis à mort de nuit dans les fossés du château fort qui servait de prison d'État. Tant de vertus méconnues, de si chères espérances détruites, feront à jamais de cette catastrophe un des actes les plus révoltants auxquels ait pu s'abandonner un gouvernement absolu. Si aucune forme n'a été respectée, si les juges étaient incompétents, s'ils n'ont pas même pris la peine de relater dans leur arrêt la date et le texte des lois sur lesquelles ils prétendaient appuyer cette condamnation. Si le malheureux duc d'Enghien a été fusillé en vertu d'une sentence signée en blanc et qui n'a été régularisée qu'après coup, alors ce n'est plus seulement l'innocente victime d'une erreur judiciaire. La chose reste avec son véritable nom. C'est un odieux assassinat. Cet éloquent exorde conduit M. Dupin à l'examen des pièces. Il montre d'abord l'illégalité de l'arrestation. Le duc d'Enghien n'a point été arrêté en France. Il n'était point prisonnier de guerre, puisqu'il n'avait pas été pris les armes à la main. Il n'était pas prisonnier à titre civil, car l'extradition n'avait pas été demandée. C'était un emparement violent de la personne, comparable aux captures que font les pirates de Tunis et d'Alger, une course de voleurs, Incursio latronum. Le jurisconsulte passe à l'incompétence de la commission militaire. La connaissance de prétendus complots tramés contre l'État n'a jamais été attribuée aux commissions militaires. Vient après cela l'examen du jugement. L'interrogatoire, c'est M. Dupin qui continue de parler, a lieu le 29 Ventôse à minuit. Le 30 Ventôse, à 2 heures du matin, le duc d'Enghien est introduit devant la commission militaire. Sur la minute du jugement, on lit « Aujourd'hui le 30 Ventôse en 12 de la République, à 2 heures du matin ». Ces mots « 2 heures du matin » qui n'y ont été mis que parce qu'en effet il était cette heure-là sont effacés sur la minute sans avoir été remplacés par d'autres indications. Pas un seul témoin n'a été ni entendu ni produit contre l'accusé. L'accusé est déclaré coupable. Coupable de quoi? Le jugement ne le dit pas. Tout jugement qui prononce une peine doit contenir la citation de la loi en vertu de laquelle la peine est appliquée. Eh bien, ici, aucune de ces formes n'a été remplie. Aucune mention n'atteste au procès-verbal que les commissaires aient eu sous les yeux un exemplaire de la loi. Rien ne constate que le président en ait lu le texte avant de l'appliquer. Loin de là, le jugement dans sa forme matérielle offre la preuve que les commissaires ont condamné sans savoir ni la date ni la teneur de la loi, car ils ont laissé en blanc, dans la minute de la sentence, et la date de la loi et le numéro de l'article et la place destinée à recevoir son texte. Et cependant, c'est sur la minute d'une sentence constituée dans cet état d'imperfection que le plus noble sang a été versé par des bourreaux. La délibération doit être secrète, mais la prononciation du jugement doit être publique. C'est encore la loi qui nous le dit. Or, le jugement du 30 Ventos dit bien « le conseil délibérant à huis clos ». Mais on n'y trouve pas la mention que l'on ait rouvert les portes. On n'y voit pas exprimé que le résultat de la délibération ait été prononcé en séance publique. Il le dirait, y pourrait-on croire. Une séance publique à 2 heures du matin, dans le donjon de Vincennes, lorsque toutes les issues du château étaient gardées par des gendarmes d'élite. Mais enfin, on n'a pas même pris la précaution de recourir au mensonge. Le jugement est muet sur ce point. Ce jugement est signé par le président et les 6 autres commissaires, y compris le rapporteur. Mais il est à remarquer que la minute n'est pas signée par le greffier, dont le concours cependant était nécessaire pour lui donner authenticité. La sentence est terminée par cette terrible formule « sera exécutée de suite » à la diligence du capitaine rapporteur. De suite, mots désespérants qui sont l'ouvrage des juges. De suite, et une loi expresse, celle du 15 Brumaire en 6. Accordait le recours en révision contre tout jugement militaire. M. Dupin, passant à l'exécution, continue ainsi. Interrogé de nuit, jugé de nuit, le duc d'Enghien a été tué de nuit. Cet horrible sacrifice devait se consommer dans l'ombre, afin qu'il fût dit que toutes les lois avaient été violées, toutes, même celles qui prescrivaient la publicité de l'exécution. Le jurisconsulte vient aux irrégularités dans l'instruction. L'article 19 de la loi du 13 Brumaire en 5 porte qu'après avoir clos l'interrogatoire, le rapporteur dira au prévenu de faire choix d'un ami pour défenseur. Le prévenu aura la faculté de choisir ce défenseur dans toutes les classes de citoyens présents sur les lieux. S'il déclare qu'il ne peut faire ce choix, le rapporteur le fera pour lui. Ah, sans doute, le prince n'avait point d'amis parmi ceux qui l'entouraient. Note. Allusion à une abominable réponse qu'on aurait faite, dit-on, à M. le duc d'Enghien. Chateaubriand. Fin de note. La cruelle déclaration lui en fut faite par un des fauteurs de cette horrible scène. Hélas, que n'étions-nous présents? Que ne fut-il permis au prince de faire appel au barreau de Paris? Là, il eût trouvé des amis de son malheur, des défenseurs de son infortune. C'est en vue de rendre ce jugement présentable aux yeux du public qu'on paraît avoir préparé plus à loisir une nouvelle rédaction. La substitution tardive d'une seconde rédaction, en apparence plus régulière que la première, bien qu'également injuste, n'ôte rien à l'odieux d'avoir fait périr le duc d'Enghien sur un croquis de jugement signé à la hâte, et qui n'avait pas encore reçu son complément. Telle est la lumineuse brochure de M. Dupin. Je ne sais toutefois si dans un acte de la nature de celui qu'examine l'auteur, le plus ou le moins de régularité tient une place importante. Qu'on eût étranglé le duc d'Enghien dans une chaise de poste de Strasbourg à Paris, ou qu'on l'ait tué dans le bois de Vincennes, la chose est égale. Mais n'est-il pas providentiel de voir des hommes, après longues années, les uns démontrer l'irrégularité d'un meurtre auquel ils n'avaient pris aucune part, les autres accourir sans qu'on le leur demandât devant l'accusation publique? Qu'ont-ils donc entendu? Quelle voix d'en haut les a sommés de comparaître? Après le grand jurisconsulte, voici venir un vétéran aveugle. Il a commandé les grenadiers de la vieille garde, c'est tout dire aux braves. Sa dernière blessure, il l'a reçue de Mallet, dont le plomb impuissant est resté perdu dans un visage qui ne s'est jamais détourné du boulet. Frappé de cécité, retiré du monde, n'ayant pour consolation que les soins de sa famille, ce sont ses propres paroles, le juge du duc d'Enghien semble sortir de son tombeau à l'appel du souverain juge. Il plaide sa cause sans se faire illusion et sans s'excuser. Note. Sa brochure a pour titre « Explications offertes aux hommes impartiaux par M. le comte Hulin au sujet de la commission militaire instituée de l'an 12 pour juger le duc d'Enghien, 1823. » Fin de note. « Qu'on ne se méprenne point, dit-il, sur mes intentions. Je n'écris point par peur, puisque ma personne est sous la protection des lois émanées du trône même, et que sous le gouvernement d'un roi juste, je n'ai rien à redouter de la violence et de l'arbitraire. J'écris pour dire la vérité, même en tout ce qui peut m'être contraire. Ainsi, je ne prétends justifier ni la forme, ni le fond du jugement, mais je veux montrer sous l'Empire et au milieu de quel concours de circonstances il a été rendu. Je veux éloigner de moi et de mes collègues l'idée que nous ayons agi comme des hommes de parti. Si l'on doit nous blâmer encore, je veux aussi qu'on dise de nous « ils ont été bien malheureux ». Le général Hulin affirme que, nommé président d'une commission militaire, il n'en connaissait pas le but, qu'arrivé à Vincennes, il l'ignorait encore, que les autres membres de la commission l'ignoraient également, que le commandant du château, M. Harel, étant interrogé, lui dit ne rien savoir lui-même, ajoutant ces paroles « Que voulez-vous, je ne suis plus rien ici. Tout se fait sans mes ordres et ma participation. C'est un autre qui commande ici. » Il était 10 heures du soir, quand le général Hulin fut tiré de son incertitude par la communication des pièces. L'audience fut ouverte à 00h, lorsque l'examen du prisonnier par le capitaine rapporteur eut été fini. La lecture des pièces, dit le président de la commission, donna lieu à un incident. Nous remarquâmes qu'à la fin de l'interrogatoire subi devant le capitaine rapporteur, le prince, avant de signer, avait tracé de sa propre main quelques lignes où il exprimait le désir d'avoir une explication avec le premier consul. Un membre fit la proposition de transmettre cette demande au gouvernement. La commission y déféra, mais au même instant, le général qui était venu se poster derrière mon fauteuil nous représenta que cette demande était inopportune. D'ailleurs, nous ne trouvâmes dans la loi aucune disposition qui nous autorisât à sursoir. La commission passa donc outre, se réservant, après les débats, de satisfaire aux vœux du prévenu. Voilà ce que raconte le général Hulin. Or, on lit cet autre passage dans la brochure du duc de Rovigo. Il y avait même assez de monde pour qu'il m'ait été difficile, étant arrivé des derniers, de pénétrer derrière le siège du président où je parvins à me placer. C'était donc le duc de Rovigo qui s'était posté derrière le fauteuil du président? Mais lui ou tout autre, ne faisant pas partie de la commission, avait-il le droit d'intervenir dans les débats de cette commission et de représenter qu'une demande était inopportune? Écoutons le commandant des grenadiers de la vieille garde parler du courage du jeune fils des Condés. Il s'y connaissait. Je procédai à l'interrogatoire du prévenu. Je dois le dire, il se présenta devant nous avec une noble assurance, repoussa loin de lui d'avoir trempé directement ni indirectement dans un complot d'assassinat contre la vie du premier consul. Mais il avoua aussi avoir porté les armes contre la France, disant avec un courage et une fierté qui ne nous permirent jamais, dans son propre intérêt, de le faire varier sur ce point, qu'il avait soutenu les droits de sa famille et qu'un Condé ne pouvait jamais rentrer en France que les armes à la main. « Ma naissance, mon opinion, ajouta-t-il, me rendent à jamais l'ennemi de votre gouvernement. » La fermeté de ses aveux devenait désespérante pour ses juges. 10 fois, nous le mîmes sur la voie de revenir sur ses déclarations. Toujours il persista d'une manière inébranlable. « Je vois, disait-il par intervalle, les intentions honorables des membres de la commission, mais je ne peux me servir des moyens qu'ils m'offrent. Et sur l'avertissement que les commissions militaires jugeaient sans appel, « Je le sais, me répondit-il, et je ne me dissimule pas le danger que je cours. Je désire seulement avoir une entrevue avec le premier consul. » Est-il, dans toute notre histoire, une page plus pathétique? La Nouvelle-France jugeant la France ancienne, lui rendant hommage, lui présentant les armes, lui faisant le salut du drapeau en la condamnant. Le tribunal établi dans la forteresse où le grand Condé prisonnier cultivait des fleurs. Le général des grenadiers de la garde de Bonaparte assis en face du dernier descendant du vainqueur de Rocroi, se sentant ému d'admiration devant l'accusé sans défenseur, abandonné de la terre, l'interrogeant tandis que le bruit du fossoyeur qui creusait la tombe se mêlait aux réponses assurées du jeune soldat. Quelques jours après l'exécution, le général Hulin s'écriait « Oh, le brave jeune homme, quel courage! Je voudrais mourir comme lui. » Le général Hulin, après avoir parlé de la minute et de la seconde rédaction du jugement, dit « Quant à la seconde rédaction, la seule vraie, comme elle ne portait pas l'ordre d'exécuter de suite, mais seulement de lire de suite le jugement au condamné, l'exécution de suite ne serait pas le fait de la commission, mais seulement de ceux qui auraient pris sur leur responsabilité propre de brusquer cette fatale exécution. Hélas, nous avions bien d'autres pensées. À peine le jugement fut-il signé que je me mis à écrire une lettre dans laquelle, me rendant en cela l'interprète du vœu unanime de la commission, j'écrivais au premier consul pour lui faire part du désir qu'avait témoigné le prince d'avoir une entrevue avec lui, et aussi pour le conjurer de remettre une peine que la rigueur de notre position ne nous avait pas permis d'éluder. C'est à cet instant qu'un homme, note le général Savary, fin de note, qui s'était constamment tenu dans la salle du conseil, et que je nommerais à l'instant si je ne réfléchissais que même en me défendant il ne me convient pas d'accuser. « Que faites-vous là ? » me dit-il, en s'approchant de moi. « J'écris au premier consul, lui répondis-je, pour lui exprimer le vœu du conseil et celui du condamné. « Votre affaire est finie, » me dit-il en reprenant la plume. « Maintenant, cela me regarde. » J'avoue que je crus, et plusieurs de mes collègues avec moi, qu'il voulait dire « Cela me regarde d'avertir le premier consul. » La réponse, entendue en ce sens, nous laissait l'espoir que l'avertissement n'en serait pas moins donné. Et comment nous serait-il venu à l'idée que qui que ce fût auprès de nous avait l'ordre de négliger les formalités voulues par les lois ? Tout le secret de cette funèbre catastrophe est dans cette déposition. Le vétéran qui, toujours prêt de mourir sur le champ de bataille, avait appris de la mort le langage de la vérité, conclut par ces paroles « Je m'entretenais de ce qui venait de se passer sous le vestibule contigu à la salle des délibérations. » Des conversations particulières s'étaient engagées. J'attendais ma voiture, qui, n'ayant pu entrer dans la cour intérieure, non plus que celle des autres membres, retarda mon départ et le leur. Nous étions nous-mêmes enfermés, sans que personne pût communiquer au dehors, lorsqu'une explosion se fit entendre. Bruit terrible qui retentit au fond de nos âmes et les glaça de terreur et d'effroi. Oui, je le jure au nom de tous mes collègues, cette exécution ne fut point autorisée par nous. Notre jugement portait qu'il en serait envoyé une expédition au ministre de la guerre, au grand juge ministre de la justice et au général en chef gouverneur de Paris. L'ordre d'exécution ne pouvait être régulièrement donné que par ce dernier. Les copies n'étaient point encore expédiées, elles ne pouvaient pas être terminées avant qu'une partie de la journée ne fût écoulée. Rentré dans Paris, j'aurais été trouvé le gouverneur, le premier consul, que sais-je, et tout à coup, un bruit affreux vient nous révéler que le prince n'existe plus. Nous ignorions si celui qui a si cruellement précipité cette exécution funeste avait des ordres. S'il n'en avait point, lui seul est responsable. S'il en avait, la commission étrangère à ses ordres, la commission tenue en chartre privée, la commission dont le dernier vœu était pour le salut du prince, n'a pu ni en prévenir ni en empêcher les faits. On ne peut l'en accuser. 20 ans écoulés n'ont point adouci l'amertume de mes regrets. Que l'on m'accuse d'ignorance, d'erreur, j'y consens. Qu'on me reproche une obéissance à laquelle aujourd'hui je saurais bien me soustraire dans de pareilles circonstances. Mon attachement à un homme que je croyais destiné à faire le bonheur de mon pays. Ma fidélité à un gouvernement que je croyais légitime alors, et qui était en possession de mes serments. Mais qu'on me tienne compte, ainsi qu'à mes collègues, des circonstances fatales au milieu desquelles nous avons été appelés à prononcer. La défense est faible, mais vous vous repentez, général, paix vous soit. Si votre arrêt est devenu la feuille de route du dernier Condé, vous irez rejoindre à la garde avancée des morts le dernier conscrit de notre ancienne patrie. Le jeune soldat se fera un plaisir de partager son lit avec le grenadier de la vieille garde. La France de Fribourg et la France de Marengo dormiront ensemble.